أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شيخ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nos sujets pour ce soir: jeunesse et mariage. Un jeune homme musulman qui voulait vivre l'islam, un jeune homme musulman qui voulait vivre dans l'obéissance à Allah et l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a l'intention pour marier. Parce que l'islam recommande mariage, et par mariage, un homme musulman pour capable continue à mener la vie propre. Donc ce qui veut dire, un jeune homme musulman pas faire l'intention pour amener la vie célibataire. Une fois, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahabi, un compagnon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fin décide pour pas marier. Il fin décide pour amener la vie célibataire tout long sur la vie. Et avec une bonne intention. Avec quelle intention? Pour lui gagner le temps pour faire beaucoup ibadat pour Allah. Parce qu'il nous connaît, les enzoum, les mariés, il y en a sous madame, il y en a un peu le temps qu'il peut mettre dans assise avec sa madame, cause avec sa madame, etc. Donc ça, sahabi là, avec une bonne intention, il finit prendre une décision pour amener la vie célibataire tout long sur la vie. Mais est-ce qu'il prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui permet de parler de l'avant avec cette intention, avec cette décision? Non. Dans Hadith Bukhari rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit prendre qui sa sahabi là finit prendre telle décision, il finit dire avec sa sahabi là et avec les autres man sahaba qui étaient ensemble: wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit dire: et moi mon marié, oh madame, alors celui qui pas compte en mon principe, n'est pas de moi. C'est-à-dire, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qu'il n'est pas bon pour un jeune homme musulman pour prendre décision pour amener la vie célibataire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle pour tout ban qui voulait vivre dans l'obéissance à Allah, l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah 33, ayat numéro 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Certainement, il a pour eux un joli exemple dans le messager d'Allah. C'est-à-dire, pour un dimoun qui voulait vivre pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, Les besoins prend prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son modèle dans la vie. Les prend prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle non seulement d'en faire namaz, d'en garder rosa, d'en faire hajj, d'en faire zikr, mais dans tout aspect de la vie, y compris dans le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'était marié, donc un jeune homme musulman qui voulait vivre pour faire plaisir à Allah, les besoins et a l'intention pour marier. Même si un jeune homme musulman est capable, pendant un certain temps, de peiner un moyen pour marier, par la pauvreté, mais malgré ça, il n'est pas bon qu'il fait l'intention pour mener la vie célibataire. D'un hadith dans Nasa'i, rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, trois dimoun, Allah subhanahu wa ta'ala pour idzut. Et le prophète mentionne cette fois-là, mais nous cite un seul là-dedans. والناكح الذي يريد العفاف ان كي مايه الي مايه لي بيولي امين ان لا في بروب سيكشوالمون لي مايه pour les garder propres sa qualité insan la sa qualité jimun la Allah subhanahu wa ta'ala pour idli. Donc même un jeune un musulman qui peut-être pour le moment les pauvres, ils ont toujours fait l'intention pour marier parce qu'un jeune homme musulman est content toujours pour amener la vie propre sexuellement quand les jeunes et quand il fait une assaut madame aussi, il est toujours content pour amener la vie propre pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Qu'il a un jeune normalement les marier. Toujours si nous guettons dans la vie prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il nous modèle sallallahu alayhi wa sallam s'il marié à l'âge de 25 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'un jeune homme musulman a besoin absolument marier à l'âge de 25 ans. Mais il est capable, normal, avant ou après. Donc là, un jeune homme musulman qui approche sa l'âge là, l'âge pour marier, il a besoin de faire une préparation. Qui bonne préparation? Non seulement une préparation pour mariage, mais ce qui est plus important, préparation pour après mariage. Préparation pour la vie conjugale. Préparation pour ce banzou qui est pour vivre avec son futur madame. Et sa bonne préparation là, sans aucun doute, bonne préparation qui est plus importante que préparation pour zou mariage. Parce que si zou mariage finit un blackout, courant fin coupé, même avec Delco, avec la lampe gaz, mariage là pour une. Mariage là va pour triste, ni pour gay. Mais si après mariage, peine à nour islam dans la vie conjugale, si après mariage, peine à l'éclairage de l'islam dans la vie conjugale un couple, ça la vie là pour triste. Banzou pas pour gay. Et pour un bon moment qui pour amer est regrettable. Parce que la vie conjugale, chers frères et sœurs, ban qui ne fait l'expérience connaît, la vie conjugale n'est pas veut dire seulement l'amusement et plaisir. Mais dans la vie conjugale, il y a une responsabilité il y a un problème, il y a un tracas, il y a un malheur. Tout cela, il y a dans la vie conjugale, mais malheureusement, la jeunesse en général, plus souvent, n'exode pas dans la vie conjugale, n'est l'amusement et plaisir. Jeunes gens musulmans, besoin connaît qu'il est pour vivre avec son futur madame, tout bon jour qu'il est pour vivre dans sa vie conjugale, pas pour bon jour gay, pas pour bon jour facile, mais aussi pour un bon jour difficile. À cause de ça même, jeunes gens musulmans, besoin prendre compte bonne préparation nécessaire qu'il est besoin faire, bonne préparation non seulement pour jour mariage, mais bonne préparation pour bon jour qui pour venir après mariage. Qui bonne préparation nécessaire qui jeunes gens musulmans besoin faire? Parmi les bonnes préparations que les jeunes gens musulmans ont besoin de faire, préparation économique, préparation spirituelle, préparation morale, tout ça, parmi les bonnes préparations que les jeunes gens musulmans ont besoin de faire avant mariage, les bonnes préparations qu'ils font, pas pour jour mariage, mais pour banzou après mariage. Premier nous prend préparation économique. Mais nous fin dire la vie conjugale c'est responsabilité. Dans sourate 4 ayat numéro 34 Allah subhanahu wa ta'ala dit: الرجال قوامون على النساء. بان زوم زتنا بان responsabilité vis-à-vis بان مدام. دان حديث دان بخاري مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. انام لين gardien pour ben membre dans sa famille, dans sa case, et il peut être questionné concernant sa bande d'immune là. Normal, les hommes fin mariés, sa responsabilité fin augmentée, les responsables manger, boire, linge la case pour sa madame qui fin amener là. Et Inch'Allah, après quelque temps, Allah pour donner des enfants dans sa lakaz là. Et encore, responsabilité, sa zone là, les plus augmenté encore. Et donc, jeunes gens musulmans, les besoins et un travail dans ce lamé, avant qu'il y ait un dimoun pour vivre avec lui. Pour qui? Ni n'a pas le tal la main avec Dimoun. Pour qu'il parle des pannes, nos belles-mères, beaux-pères, tout long sur la vie. Dans le hadith, dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une adresse spéciale pour la jeunesse. Il dit: Ya ma'ashar al-shabab, من استطاع منكم الباء فليتزوج. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire: eh ben jeunesse, eh ben jeunes gens, celui parmi eux qui a capacité pour marier, alors qu'il est marié. Paris célibataire. Si on a capacité pour marier, n'a pas fait l'intention parmi la vie célibataire. Et na jeunesse, malheureusement, il y a une capacité pour marier, mais il retarde le mariage. Il voulait jouir un peu par sur la vie célibataire, les juifs impés dans désobéissance à Allah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, adressant avec bonne jeunesse, peut dire: celui parmi eux qui a la capacité pour mailler, alors qu'il y maille. Sa capacité pour mailler là, comme un savant finit expliquer, c'est capacité physique et capacité financière. Donc, jeunes gens musulmans, les besoins d'un travail, pas absolument un travail qui amène 5-10 000 roupies par mois, pas absolument un travail dans le gouvernement, mais même un petit travail pourvu qu'il y ait un travail halal, un travail qui, dit l'islam, permet de gagner un travail dans ce lamé, et après, il y a de l'avant avec cette décision pour marier. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin recommande ban jeunesse qui a la capacité pour marier. Quel avantage est-ce dans mariage pour ban jeunesse? Écoute ce que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Dans ce même hadith dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: fa innahu aghaddu lil basar. Ça pour faire lui plus baisser son regard, c'est-à-dire sa mariage là pour faire lui plus baisser son regard, c'est-à-dire lui pas partir plaisir dans admirer ban tifé ban madame étrangère. Et le prophète continue de dire: wa ahsanu lil farj. Et ça pour plus préserve ce parti privé, c'est-à-dire par mariage jeunesse musulman sur la vie sexuelle pour toujours rester propre, pareil comme avant mariage sur la vie propre. Mais si jeunes gens musulmans peinent en capacité, disons pour un certain temps, pour marier, qu'il est besoin de faire? Disons jeunes gens musulmans, il y a un petit travail, mais seulement, ce maman, papa, ou bien lui-même, il est endetté d'une telle façon qu'il y trouvait, pour le moment, il n'est pas beaucoup capable d'amener un dimoun, il n'est pas beaucoup capable de marier. Alors, dans ce cas-là, qui jeunes gens musulmans besoin faire pour lui parler sali, il a besoin de développer ce côté spirituel. En d'autres mots, les besoins faire ibadat Allah comme à l'islam fin enseigner. Ça pour aider lui, pour garder sur la vie propre. Comme par exemple, comme dans sa hadith la même, dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm. Celui qui peine en capacité, c'est-à-dire celui qui peut la capacité pour marier, alors qu'il y garde rosa. Qu'il y garde rosa. Rosa, il y a une grande ibadat. Sa rosa-là, ça même un de bon exercice spirituel que l'islam fait montrer du monde pour développer ce côté spirituel dans la vie. Et quel avantage le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître l'air en jeunesse li pour garder rosa? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: fa innahu lahu wija. Ça pour lui un moyen pour repousser sa l'envie là, sa désir sexuel là. C'est-à-dire, par sa ibadat là, là, il développe ce côté spirituel, par faire ibadat Allah, ça peut amener une tranquillité sexuelle dans la vie. C'est-à-dire, il ne peut pas tomber dans le péché. Cela ne vit pas pour sale. Quand il peut trouver pour un certain temps, il n'est pas pour capable de marier, li renforcer ce côté spirituel par faire ibadat Allah sous la vie pour contir ses propres jusqu'à qui Allah facilite li pour les bailler. Et sans sa développement spirituel dans la vie jeunesse pas pour capable préserve lui-même contre sa grand péché qu'appelle zina, l'adultère. Et elle n'est pas pour capable préserve lui contre sa péché là qui peut arriver. Li parle service au courage, li parle service à l'énergie dans haram. Et donc, li parle gaspille un courage qui, après mariage, li est pour capable de jouer li dans l'obéissance à Allah. Li prena son madame avec lui. Mais si jeunesse pas capable de contrôler lui, li la même qui jeunesse parle tombe dans sa péché là. Et combien de jeunes qui finissent tombe dans sa péché là, peut nager dans sa péché là, pas peut capable de sortir depuis dans sa péché là. Si vous capable de sortir, c'est par ibadat Allah. Faudrait qu'il attrape ibadat Allah. Faudrait pas qu'il y gagne honte. Vous venez vers ibadat Allah. Ibadat que l'islam fin montrer. L'itini ferme ibadat Allah. Par ibadat Allah, avec l'aide Allah, li pou sorti dans sa mauvaise la vie là. Mais pour jeunesse qui se la vie encore propre, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer lui un demande l'exercice spirituel, un demande forme de ibadat qu'il fait, qui est capable de préserver lui contre sa grand péché là, pour qu'il se la vie reste toujours propre là, sur la terre là. Dans ce hadith là, qui nous cite dans Bukhari et Muslim, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître qu'il part rosa pour gagner une tranquillité sexuelle. Qui rosa ça? C'est rosa nafil. Mais pour développer côté spirituel dans la vie insane, normal, qui besoin attrape ban ibadat qui faraz avant, ban ibadat qui obligatoire avant, c'est normal. Un dimoun qui voulait développer ce côté spirituel pour y amener la vie propre au salaté là, il parle néglige ban obligatoire pour lui concentrer nos petites choses qui n'affile. Donc ça veut dire une jeunesse musulmane, un jeune homme musulman qui voulait continuer à mener la vie propre, ni pour besoin prend compte ibadat Allah qui faraz avant. Et numéro un, c'est namaz tous les jours. Numéro deux, c'est même ibadat rosa qui est observé dans le mois de Ramadan. Comment y a un qui voulait garder propre dans Ramzan, il peut manger, boire dans la journée, et après Ramzan, soi-disant pour garder propre, il peut garder nafil pour préserver lui contre le péché de zina. Pas possible. Faudrait qu'il dit moun là, il peut attraper une faraz ferme. Ibadat qui faraz, il peut rater. Après ça, il prend une dose nafil. Léala, ça pour faire l'effet dans lui, ça pour aider lui, pour amener la vie propre, l'eau salaté là. Est-ce qu'il existe avec partie privée qui un dimoun commet zina l'adultère? La réponse, non. Écoute ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Dans un hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: فالعينان زناهما النظر. Délisier, zot l'adultère, c'est gaieté. Lisier aussi commettre l'adultère. d'après ce qui nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Comment dire? Les religieux là peuvent être quelque chose qui peut exciter des gens là sexuellement. Les religieux là peuvent commettre l'adultère. Comme par exemple, ban scène qui n'a l'écran TV, ban photo malpropre de ban revue. Zoreille aussi commettent l'adultère. Écoute parole prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wal udhunani zinahuma l'istima'. Des oreilles, autres l'adultère, c'est écouter. C'est-à-dire, écoute quelque chose qui peut exciter un dimoun sexuellement. Bonne santé. Mais bonne conversation qui a un rapport avec quelque chose qui est mal propre. Les oreilles peuvent écouter ça, les oreilles là peuvent commettre zina. Les pieds aussi commettent l'adultère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit toujours dans le même hadith muslim, وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخَطَى. Et les pieds sur l'adultère, c'est marcher. C'est-à-dire, marcher vers une petite chose qui excite des gens là sexuellement. Comme par exemple, marcher à côté d'un terrain, côté d'une majorette, jeune ou bien vieille, peut donner une démonstration, qu'il y soit le coltan ou bien l'olébe avec boule. Marcher dans un jardin, côté là, ban amouré en pleine activité. Marcher à l'eau la plage pour guetter une bande d'immune qui peut mettre zot même sec dans le soleil, l'eau du sable, avec zot costume de bain. Marcher dans sa bande direction là, les pieds là commettent zina, les pieds là commettent l'adultère selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour un jeune gens musulman, pour qu'il y préserve lui, contre sa bonne forme de l'adultère là, il a besoin absolument de développer sa côté spirituel dans ce la vie là. Faudrait qu'il y ait un certain progrès spirituel dans ce la vie. Faudrait pas qu'il y pense que s'il peut prendre contre ibadat Allah, il peut perdre valeur dans la société. Non, pas des monde qui donne valeur. Pas ban juif qui donne valeur. Pas ban qui peine à iman qui donne valeur. C'est Allah qui donne valeur. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walillahi l'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin » Ban qui n'a iman, c'est pas iman que Allah donne du monde valeur. Donc, jeunes gens musulmans, besoin, il n'a aucun complexe dans lui. Si lui amène la vie propre, il a besoin de s'y ferme avec ibadat Allah. Il a besoin pas gagner embêté par ban du monde qui peut vivre dans désobéissance à Allah, ban qui peut appeler les autres ban civilisés. Aste nous vin avec préparation morale qui jeunes gens musulmans besoin faire avant qu'il y arrive dans sa nouvelle étape dans ce la vie qui appelle la vie conjugale. Une étape dans la vie du monde qui n'est pas facile. Jeunes gens musulmans, besoin qu'on ait, qui dans ce la vie conjugale, pour une difficulté, les bisins attendent. Les bisins attendent qu'ils prennent un problème. Les bisins attendent qu'ils prennent un malheur. Faut pas ne tout le temps ne qu'ils pensent. Quand vous prenez mon madame avec moi, ça veut dire tout bonjour pour gué, l'amusement, plaisir, promenade, réception. Pour une tout ça là, mais pas pour une zis ça tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala fin enregistré dans le Coran un bel conseil qui Luqman alayhi salam t'y fin donne ce garçon. Dans surah 31, ayat numéro 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasbir ala ma asabak. Une parole qui Luqman alayhi salam t'adresse avec ce garçon, il dit, prends patience pour malheur qui arrive toi. Mais dis attends, pour un malheur pour venir, pour un moment difficile pour venir, prépare-toi. Prépare-toi moralement pour qu'il y ait un malheur venu, ne pas désespérer, ne pas le faire, ni dire une petite chose qui plus tard te pour regretter. Qui a été problème, qui a été difficulté, qui jeune gens musulmans besoin d'attendre, comme par exemple, ce madame même, il est capable de gagner un certain petit problème avec ce madame. Là, il peut donner l'autre, ce madame pour faire quelque chose. Madame là, pour certaines raisons, capable pas fin faire quelque chose là, comme fin gagner l'autre pour faire lui. Et alors, monsieur là, les besoins et la patience dans lui, les besoins qu'on pardonne ce madame parce qu'il dit ce madame. Et non pas l'y agir brutalement avec ce madame. L'y a madame fait certaine désobéissance, n'est pas maltraité, comment dire, un mettre des causes avec son esclave, n'est pas batté, n'est pas zouré, n'est pas dire prends ton paquet à la case, ton maman pour un membre, ça t'a fini. Les bisans attendent donc que ce madame, pour faire certaine désobéissance, et alors, il corrige lui avec bonne parole, d'une bonne façon, il corrige lui. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autre banzom dans surah 4, ayat numéro 19, wa'ashiruhunna bil ma'aruf. Vive bien avec ban madame. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. أن زم كنا إيمان فضي باك لهاي أن مدام كنا إيمان en particulier أن زم كن معي فضي باك يدتستي سو مدام إن كره منها خلقا le prophète dit si et n'a quitte caractère dans sa madame là, qui sa monsieur là, pas content, radia minha akhar. Dans sa même madame, et n'a les autres quittes choses, qui monsieur là, pour satisfait, pour content. Jeunes gens musulmans, besoin d'atteindre malheur. Il est possible, après mariage, si après 4-5 bonnes années, fin gagne des enfants, qui a été contentement dans la case. Mais si Allah peut vous faire un test, avec ben 10 moun dans sa case là, après 6 mois, après 1 an, l'équerre maman, papa fin a tassé avec sa jolie petite baba là, Allah fait les mots. Là, faut dire ça, monsieur musulman là, il n'a patience, il n'est pas désespéré, il n'est pas faire ni dire quelque chose pour déplaire Allah. Ça a une qualité malheur qui est capable de venir dans la vie. Qui est un jeune musulman, avant de marier, les bisins pensent tout cela, les bisins préparent dans sa façon-là moralement. Aussi, problème capable de venir quand le travail pas peut marcher, surtout quand la responsabilité peut augmenter dans la case. Les filles mariées, il y en a des enfants, il n'y a pas que dépenses. Il n'y a pas que dépenses d'un côté, et l'autre côté, Tigin ou peut rentrer. Mais seulement, musulman, besoin pas trop fatigue sur la tête. Li connaît qu'il y a un Allah qui peut nourrir lui. Li n'est que faire des efforts qu'il trouve dans sa capacité. Li pas croise les bras et assiser. Li fait tout bon effort qu'il trouve dans sa capacité par moyen halal, par le haut de l'argent et ça même tout. Après ça, il met confiance en Allah. Allah pour nourrir lui. Mais une condition, faudrait que les musulmans là, sincèrement, li ou les risques halal. Dans le travail, même si les hommes musulmans là sont capables riches, il y a un magasin, il y a l'usine. Mais il faut attendre qu'il est possible, malheur capable de venir dans ce la vie, dans ce sens-là, qui travailler, fin de victoire, fin aller. Et alors là, les besoins prennent patience. Il besoin connaît qu'Allah peut faire test avec lui. Et non pas que maïtan ça, à soir il n'est pas dormi. Lendemain encore, il n'est pas peut manger, boire, il peut prendre tracas. Ça ne veut pas dire que c'est un dimoun vol fin travailler dans ce lac, ça ne dit pas pour prendre tracas. Mais il n'est pas que moi ça dimoun qui. Si tu peux faire namaz, il a arrêté de faire namaz parce qu'il a été trop fatigué. L'époque moi ça dit monde qui l'a fait namaz, commencement namaz, quand la fin namaz il peut pleurer. Qui faire? Pas cause il peut payer Allah, il peut s'agir sur ban roupine aller. Tout le monde s'agrin quand il perd un petit bout de dunya. Mais un qui a iman, il n'est pas s'agrin dans sa façon là, qui s'est affecté sur l'ibadat qu'il fait pour Allah. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي إكسبيم سو contentement et en même temps سو étonnement devant le fait qui un imandar, un croyant, un musulman, tout quelque chose qui est arrivé dans ce la vie, c'est pour son propre avantage. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Ça n'applique pour personne, excepté pour un mu'min, excepté pour un imandar, excepté pour un musulman, excepté pour un dimoun qui fin décide pour vivre pour Allah. Pour ça dimoun là, tout ça qui arrive lui dans ce la vie, dans seul avantage. Astia le prophète expliquait, il dit in asabat hu sarra shakar فَكَانَ خَيَرَ اللَّهِ. Si un bon quelque chose qui vous fait le plaisir fin arrive lui, le remercie Allah pour ça et ça vient du bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرْ فَكَانَ خَيَرَ اللَّهِ. Et si un quelque chose qui fait lui du tout fin arrive lui, il prend patience et ça vient du bien pour lui. Il y a le guetté comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expliquait, tout bon moment, tout bon jour dans la vie, un qui décide pour faire Allah, un qui décide pour vivre pour Allah, tout ce qui est arrivé dans ce la vie pour ce l'avantage. Bon jour gay, bon jour triste, tout dans l'avantage un musulman qui décide pour vivre pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, jeunes gens musulmans, les besoins ont sa bonne préparation morale là pour faire face avec bonnes difficultés et problèmes qui peuvent être dans la vie conjugale, l'air sur responsabilité pour augmenter. Dans Sourate 30, ayat numéro 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et parmi ce bon signe, c'est-à-dire signe d'Allah, c'est qu'il fin créé pour vous autres, deux autres mêmes, bon père, pour qui vous autres gagnent tranquillité avec ban là, c'est-à-dire avec ban père là, c'est-à-dire avec ban madame, pour qu'ils aient gagné tranquillité. Et après Allah dit: wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et Allah fin met en zut l'amour et l'affection. Dans cette ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître. Il fin créer madame comme père pour ban zom. Et ban zom pour gagner tranquillité avec madame là. Parce qu'Allah connaît une sainte communion pour traverser la vie, là où ça la terre là. Mais nous finissons dire, pas tout bon jour qui est facile, pas tout bon jour qui est gay. Et alors, là, il prend un père avec lui, sa père là, sa madame là, pour encourager lui, sa madame là, pour donner l'espoir. Et sa zone là, malgré bonnes difficultés, il traverse la vie avec l'espoir, avec un certain contentement, jusqu'à qu'il y ait de l'akhirat. Mais à ce stade, vient une question bien, bien importante. Avec qui qualité madame Un homme musulman pour gagner une tranquillité dans sous la ville où ça l'a été là, jusqu'à peut-être ce désout. Est-ce qui pour capable gagner tranquillité avec sa qualité, madame, qu'il est son monsieur fin sorti travail à soir, fatigué. L'Élysée, madame là, prépare une verdité pour moi, Faïza. Prépare un chicken dilé pour moi et Katidja. Madame là, dit l'État, pas de rangement de temps. Vous pouvez lire la gazette là. Une verdité, je ne sais pas quoi faire. Ou bien les messieurs là, les fins rentrent la zone dans le travail. À soir, ils peuvent rentrer la case. Ils n'ont pas encore dîné. Ils demandent à ce madame, sauf mon manger là, mon fatigué, manger qu'il faut là. Madame là, je lui dis, je fais que monte l'eau, Lili, de ta, sauf un tigine toi-même. Michel là, fatigue et la faim avec lui, les prend ce dîner frais et les manger parce qu'il n'y a personne pour sauf se manger. Prenant tranquillité avec sa qualité, madame là, c'est un petit sacrifice comme ça, il n'est pas disposé pour faire plaisir à ce monsieur, pour une tranquillité dans la vie de ce monsieur là, avec sa qualité, madame là. Est-ce qu'il prend la tranquillité avec sa qualité, madame, qui tous les mois lui besoin de récents linge? Et il connaît qu'il soit métier, sa position financière, pas permettre lui pour satisfaire lui dans sa sens là. Mais tous les jours, il y a avec Michel là, qu'est-ce que vous faites? Travaille un peu overtime, amène un peu casse. Mariage peut coster pour ma cousine là, peut marier. Besoin d'un récent linge, non? Est-ce qu'il prend la tranquillité avec sa qualité, madame, qui par contre douleur son monsieur? Est-ce qu'il prend la tranquillité avec sa qualité, madame, qui dit avec son monsieur, hein, tu connais sa serviette rose là, pour moi ça, hein, pas tout ça, t'as tout servi ça qui blé, ça qui veut blé blé là-bas là. Ça n'a pas pour moi ça, t'as tout servi tout à l'heure. Ça rien pour lui. Ça m'a cassé avec mon casse. L'autre gris-gris là pour toi. Rose là pour moi, pas tout ça. Hein? Est-ce qu'il peut en tranquillité avec sa qualité, madame là? Ou bien pour en tranquillité avec sa qualité, madame, qu'il est à Moïsine, grand matin, peut dire As-salatu khayrum minan naoum. Namaz plus bon qui sommeille. Elie, sa qualité, madame là, non seulement lui couvrait un peu plus bien avec ce camli, comme a dit un bousson dans ses oreilles, mais lui décourage ce monsieur pour lever, pour le faire roussal, si il n'a pas le faire roussal, et après pour le faire ibadat Allah. Avec sa qualité, madame là, pour la tranquillité. Donc, qui qualité, madame, qui jeunes en musulman, besoin choisir comme se compagne dans la ville au Salatéala? C'est une question qui est bien, bien importante. Et nous, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fini donne sa réponse. Les restes astéa pour jeunes en musulman prend en considération recommandation ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il y voulait tranquillité dans sur la vie conjugale. Dans un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Une madame li être épousé pour quatre petites choses. C'est-à-dire, normalement, quand un jeune gens, qu'il soit musulman ou bien kafir, quand il finit paré pour marier, bien un dans sa quatre qualités là, et un dans sa fille qui peut de marier avec lui là. Un de sa bonne qualité là, qui peut attirer sa jeune gens là vers sa fille là. Ça qui le prophète peut dire, une madame lui est épousée pour quatre petites choses. Lima liha, pour ce du bien. C'est-à-dire, un homme, quand il est marié, ce qui est plus intéressé avec Tifi qui lui peut le marier, pas Tifi là, mais se casse. Quand il est pour marier, comme il a pas en canne, beau-père pour donner lui. S'il est pour marier dans telle famille, avec tel jeune fin gain camion, manque moi pour gagner bis, ça, une catégorie de monde que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître. Une catégorie d'hommes qui, l'argent qui attire les autres pour marier avec telle tifi. Wali hasabiha. Et là qui marie, à cause rang, position tifila dans la société. C'est-à-dire, ban qui a sa maladie qui appelle complexe d'infériorité. Wa jamaliha. Un troisième, et na qui marie à cause beauté. Beauté. Et ça, beaucoup fintom dans sa pièce là. Beaucoup, quand je peux faire des masses, pour marier, je dis avec cette bande de monde qui peut faire bande de mort, c'est un roden qui joli pour moi. Joli qui bizarre. Quand il est manié, pas bon pour un sou, pas fait un anier. Quand il est manié islamique, il est l'esprit de sacrifice, il est bon caractère, c'est-à-dire, même s'il est beauté dans son caractère, il est beauté dans sa façon de vivre, mais il a beauté dans son léseau avec son la chair, ça a été là qui m'a content. Beauté, léseau et la chair qui dit content. Beauté dans façon de vie, pas intéressée. Beauté dans manière islamique, pas intéressée. Beauté dans caractère islamique, pas intéressée. Beauté dans iman, dans confiance, l'eau Allah, pas intéressée. Beauté, léseau et la chair, ça qui dit bizarre. Et un quatrième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit walidiniha. Et n'a qui maillé à cause ce din. Cause din. Et n'a qui dit guide guide un tifi qui n'a iman. Un tifi qui couvert sur l'écho comme Allah finit au donne-li. Guette un bon tifi qui fait sijda roukou tous les jours pour Allah. Ode un tifi pour moi qui fait différence entre halal avec haram, dans manger, dans l'habillement, dans distraction. Ode un tifi pour moi un qui, sur la vie, il fin décide pour vivre dans l'obéissance à Allah. C'est une petite chose qui est courante dans la société. Astegit qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille jeunesse. Il dit, فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ غَيْنْ كِنَا دِينِ غَيْنْ كِنَا دِينِ. Donc, jeunes gens musulmans, qu'est-ce qui conseille ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour donner lui, quand il n'a pour faire ce choix, quand il est prêt pour marier, qu'est-ce qualité premier besoin dans ce futur madame pour lui choisir lui comme un dimoun pour accompagner lui dans sa la vie là, ou sa la terre là. Fede Nadine. Et après ça, les autres qualités. Si après sa première qualité, il a les autres qualités, c'est-à-dire une faveur qu'elle peut donner. Si tu fais qu'il vient content, il vient trouver, tu fais là Nadine. Et l'eau, ça, beau-père finit de lit pour gagner 50 ans par canne, boulanger là pour venir l'auto, non. Si après tout ça là, après qu'il trouvait Tifila et Nadine, et en même temps il y a une robe surat, eh bien Allah peut faire un cadeau, peut donner un cadeau, il prend. Mais première petite chose qu'il a besoin de guetter, pas guette l'argent, première petite chose qu'il a besoin de guetter, pas robe surat, pas position dans la société, mais din, sa première qualité qu'il a besoin de guetter, dans sa tifi qu'il pérode, vin accompagner dans ce la ville, au salaté là. Allô, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pédia gagne un kenadin. Qui veut dire un kenadin? Beaucoup d'imoun fin mal comprend sa expression un kenadin. Un kenadin, il pas veut dire sa tifi ou bien sa madame kenaburkal au soleko. Mais seulement les lilos la place, burka finant levé et sur l'écho exposé pour ban zom commettre péché de l'adultère avec autres lisier. Est-ce qu'il appelle ça une madame un tivi kenadine ça? Un kenadine, pas sa tifi ou bien madame qui tous les jours, il peut passer plusieurs minutes dans la masse devant Allah et en même temps tous les jours, il peut passer des heures et des heures divan Satan avec l'écran. Elle peut traverser les temps avec Iblis, avec vidéo TV. Ça est Nadine, ça? Un Kenadine, pas veut dire sa tifi ou bien sa madame, qui sacramzane, les garder sur rosa. Un namaz n'est pas marqué de Ramzan. Tout ce namaz y fait. Mais seulement, après Ramzan, il n'est pas d'accord pour faire namaz. Après Ramzan, il est en vacances pendant 11 mois avec namaz. Pourtant, il est capable de faire namaz après Ramzan. Il a gagné le temps. Il n'est pas malade. Mais seulement, il n'est pas disposé pour faire sijda et ruku pour Allah après Ramzan. Est-ce qu'il s'appelle un tifi, une madame qui a dit ça? Donc, qui veut dire en kenadine? En kenadine veut dire en kena iman. En kena iman lo Allah. En kena iman lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En kena iman lo misaz ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fina minik. En kenadine, c'est un qui, dans toutes circonstances sous la vie, surtout dans un moment difficile, il peut dépendre de Allah. Dans tout moment, il peut adresser avec Allah, oh Allah, moi dans telle difficulté, sûrement dans sa difficulté là, oh Allah, moi besoin de telle chose, oh Allah, par toi, il y a une personne qui est capable de me lire. C'est-à-dire, un qui dépend de Allah, pas un qui adresse quelque chose qu'il a besoin, il adresse avec des mots en bas la terre, ou bien il dit devant idole, il a le cause avec quelque chose qui pas attendait. Un qui a dit, c'est un tifi ou une madame qui a iman, qui après la mort, il y en a pour revivre. Les sûr qui après la mort, Allah pour faire les revivre. Les cieux qui en zouzou qayamat, il y en a pour présenter devant Allah. Qui faire? Pour rendre compte. Comment les fins vivent la terre Allah? Qui les fins guetter avec ce lisier? Qui les fins tendre avec ses oreilles? Qui caillit l'habillement qu'il fait mettre sur les corps? Qui nourritier les fins mettre dans ce ventre halal ou bien haram? Comment les fins vivent avec dimoun? Dans le cas d'une madame, comment elle finit vivre avec ce monsieur? Dans l'akhirat, il y a des places que tout le monde peut partager. Une bande parle dans le jahannam, une bande parle dans le jannat. Il est sûr dans sa vérité. Là. Donc, un kenadine, c'est un qui fait différence entre halal avec haram, de manger et boire, elle qui fait différence entre halal et haram dans l'habillement, dans la façon qu'il servit sur les yeux, sur les oreilles, sur les côtes, etc. Un Kenadine, c'est un Kenan l'esprit islamique, un Kenaban manier islamique. Un Kenadine, c'est un qui reconnaît droit qui sont créateurs et n'alloli et alloli fait ses efforts pour accomplir ce devoir vis-à-vis ce créateur. Ça, c'est un Kenadine. Donc, chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande Zénis dans ce Ummat pour choisir comme ce père un Kenadine. Donc, jeunes gens musulmans qui ont décidé pour vivre une vie propre dans l'obéissance à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les besoins Rod N. Kenadine, comme ce madame, même si sa petite fille qui les pépins pour venir ce madame-là, même si sa petite fille-là les plie à ze qui lit, même si sa petite fille-là les plie grand qui lit, ou bien à même l'âge avec lui, si petite fille-là et Nadine, ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller à de l'avant. Donc si tu fais là, même les mêmes l'âge avec toi et jeunesse, ou bien tu es plus grand que toi, mais y'a Nadine, prends-le, tu es satisfait. Même si ça te fait qu'il te fait un compte là, il peut même quand c'était l'argent comme à toi. T'as tenu un paquet, tu n'as bis camion, il n'y a pas possédé un loto, mais seulement il y en a d'une, prends-le comme toi, madame. Même si ça te fait là, sur la peau pas blanc comme à toi, il y a un peu brune, mais il y en a d'une, ton prophète peut recommander toi, prends-le comme toi, madame. De la vie pour gay. Même ça te fait qui te peut être content là, n'est pas une jeune fille, une madame. Mais y'en a d'une, pas hésiter pour te prendre comme toi, madame. Dans un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois adresse avec un sahabi qui s'appelle Jabir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit lui, tazawajta ya Jabir. Et Jabir te fin maïe. Sahabi l'a dit, naam. Oui, ya Rasul Allah mou fin maïe. Le prophète dit, bikran am thayyiban. Te fin maïe avec une jeune fille ou bien avec une madame. Sahabi l'a dit, bal thayyiban. Mais mou fin maïe avec une madame, ya Rasul Allah. Le prophète dit, fahalla jariya. Est-ce qui pas t'a bon te maïe avec une petite fille, avec une fille. Jabir radiallahu anhu expliquait qui faire, lui choisir une madame au lieu d'une petite fille. Inna Abdallah halak wa taraka banat. Ya Rasulallah, mon papa Abdullah, lui fin mort et lui fin quitte plusieurs petites filles. وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ. Et moi, je ne suis pas content pour mettre une haine dans une l'âge. C'est-à-dire, je ne suis pas content pour le marier avec un jeune qui prend la même l'âge avec mon banser. فَتَزَوَّجْتُ مُرَأَةً. Et alors, je suis marié avec une madame, تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. Je suis marié avec une madame, sa madame-là, elle va prendre compte sa ban mouban sirla. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin tan sa ban explication là, li fin content et li fin faire dua pour sa sahabi là, li jali barakallahu lak au khairan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia, qui Allah bénit toi. Tu es jeune, mais tu es capable pour un jeune. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande pour un jeune. Monsieur Constance, fin fait pour une madame, une canadienne qui peut prendre en compte ce bancer. Donc, chers frères et sœurs, chers jeunes frères, à la conseil que nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donné. Quand fin arrive, l'air pour marier, redentifie Kenadine, l'air pour gagner sa qualité civique Kenadine là, dans un moment difficile, ou pas pour vivre avec désespoir, dans un moment difficile, dans l'air moussibat, ou pas pour dégoûter la vie, pour vivre avec une certaine tranquillité, parce que, ou madame Kenadine, les pour console où, les pour rentre dans vos faiblesses. Quand vous triste, les pour triste ensemble avec vous. Quand vous gay, les aussi pour gay ensemble avec vous. Mais il faudrait qu'il y ait sa qualité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionné, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait digne dans lui. S'il y a digne dans lui, même si arrivé qu'il zou dans la case, il ne répare pas fin manger, mais seulement avec un léquier content ou avec lui pour le domi. Par contre, s'il paye Nadine, périsse dans la case béton, on a la viande serf, fin préparée, il vous fait un fracas dans la case, qu'un boussé manger pas pour descendre dans la gauze. Ou pour regretter, qui fait une madame comme ça, ou finement avec une madame comme ça. Et effectivement, qui quand c'était un homme peut regretter, les autres façons de vivre, qui autres madame peut vivre avec les autres. Et plus beaucoup ça ban zom là, c'est ban qui pas fin prend compte recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ban qui pas fin guetter dans tifi qui fin choisir pour marier, li fin guet tout ban qualité excepté qualité digne. Parti na digne dans tifi là, fin marier avec lui et après ça fin en fracas, regret ban zou amer fin min après. Et enfin chers frères et sœurs, nous pouvons terminer la même qui choisit là, pas terminer là. Et un des points qui est bien important encore, qui nous faut besoin d'expliquer, mais pas ce soir.